La conférence internationale de Paris pour la paix et la réunification de la Corée s'est déroulée le 24 juin en France. Y ont pris part les délégués du Comité international de liaison pour la réunification et la paix en Corée, des formations d'amitié et de solidarité de divers pays comme Danemark, Luxembourg, Bulgarie, Pologne, Belgique, Suisse, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande et Haïti, les personnalités de divers milieux de France, le délégué général coréen en France et la délégation du Comité coréen pour les relations culturelles avec l'étranger. Tout d'abord, le secrétaire général du Comité international de liaison pour la réunification et la paix en Corée a fait un rapport de base suivi des interventions. On a adopté la déclaration finale qui dit notamment « Les formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen doivent lutter pour le départ des troupes étrangères de la péninsule coréenne et l'abrogation de la sanction américaine à l'égard de la Corée et contre la propagande erronée des presses occidentales. On doit renforcer la coopération mutuelle et présenter largement les succès et expériences obtenus à partir de l'objectif commun de favoriser la paix et la réunification de la péninsule coréenne. La réunion a adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un. Au terme de la réunion, a eu lieu une manifestation pour la paix et la réunification de la Corée sur la place de Sorbonne à Paris. Par ailleurs, un séminaire sur le problème de la péninsule coréenne des savants français s'est tenu le 23 juin à la Sorbonne.